série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. L'Aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Jean-Tiens Lafrance anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Alors bonsoir chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, c'est votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Jean-Tiens Lafrance avec vous sur les ondes de CKRL 89.1. Pour la prochaine heure, on va parler d'art. On va parler d'art avec Audrey Demers-Roberge qui présente actuellement son exposition Bouzou à Vue. Et c'est accompagné de Delphine Aguesbar qu'on va rencontrer Audrey pour parler de son exposition. Ensuite, on va recevoir Olivier Hébert qui étudie actuellement à la maîtrise et qui va débuter son exposition Long Time présentée. À partir de vendredi, donc une exposition où il explore les différents éléments de la peinture. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et en deuxième partie d'émission, on va parler du mois multi en compagnie de Émile Beauchemin et de Jeanne Couture, qui sont deux des trois commissaires invités pour présenter les trois prochaines éditions du mois multi. Et cette édition-ci va être le 20e anniversaire, je crois, donc on va pouvoir en parler un peu plus en profondeur après 18 heures. On se laisse pour une petite pause audio avec une pièce de Longman et au retour, Audrey Demers et Delphine Aguesbar se joignent à moi. Thank you. Bonsoir Audrey Demers-Roberge. Allô. Bonsoir Delphine Aguesbar. Salut. Donc, Audrey Demers-Roberge, tu présentes actuellement le résultat de ta maîtrise à vue dans l'espace américain, donc une exposition qui prend beaucoup de l'espace. Mm-hmm. Et Delphine, t'avais vraiment envie de parler de cette exposition-là, donc on s'est dit, on va faire une entrevue à trois. Exact. Mais d'emblée, en tout cas, j'aurais envie de peut-être lancer Audrey sur le titre qu'elle a choisi, qui est quand même un peu intriguant, là. Je pense que le mot bouzou n'a pas la même résonance ici, peut-être, qu'il y a dans d'autres régions au monde. Puis je pense que ça pourrait être un bon point de départ pour même aborder ton approche là, pour cette exposition-là qui clôt ta maîtrise. Donc, le bouzou, c'est un surnom donné par les pêcheurs à un ver de mer que j'ai rencontré dans un fjord en Norvège. J'ai pas rencontré le ver en soi, j'ai rencontré ses traces, son passage. En fait, lui, il va creuser des super grosses terrasses dans la plage, dans le sable. Puis en fait, à marée basse, on accède à tous les filaments, puis son passage, puis ça m'a quand même assez fascinée. Fait que j'ai utilisé un peu cette forme-là, puis la dynamique du bouzou à travers mon expo. Parce qu'en effet, j'ai l'impression que cette idée-là des terrasses souterraines, moi aussi, je trouve que ça a eu une résonance assez intéressante après que j'ai vu l'exposition de relire cette expression-là, parce que je trouve que ça traduit bien cette approche-là comme un rhizome que tu as dans ton exposition, d'avoir plusieurs éléments qui sont en écho les uns avec les autres, mais c'est pas une série que tu nous présentes, c'est pas un ensemble monolithique, c'est vraiment différentes avenues, mais qui dialoguent très, très bien ensemble. Oui, en fait, j'ai à peu près une dizaine de corpus différents. Puis on peut vraiment le ver, en fait, fonctionne un peu comme un rhizome en soi. On le sectionne à quelque part, il meurt pas nécessairement, il va continuer à vivre ailleurs d'une autre façon. Fait que mes corpus fonctionnent un peu comme ça, si on peut dire, dans l'inter, comme des fragments avec chacun leur propre vie. Donc, tu parles d'inter, mais il y a vraiment une diversité de médiums dans ce que tu présentes à l'exposition Bouzy. On a de la photographie, on a de la peinture, de l'installation, du modelage, de la sculpture. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, donc, c'est vraiment une façon pour toi d'arriver à une certaine complémentarité? C'est ma façon à la base de travailler les arts visuels. Ma pratique a toujours été comme ça. Je fais comme chevaucher plusieurs médiums en même temps, plusieurs disciplines. Au lieu de m'intéresser à une seule puis me spécialiser, je l'ai fait avancer un petit peu en se chevauchant. Puis en fait aussi, je me suis intéressée à la multitude. Fait que l'utilisation de plusieurs médiums a déjà comme créé cette espèce de rythme-là dans l'espace. Donc, c'est ça. Puis j'ai été vraiment surprise de voir un petit peu l'omniprésence de la photographie qu'il y avait dans ce corpus-là que oui, tu présentais. Aussi. J'ai vu, mais la photographie qui se présente d'une diversité de manières, une photographie qui est toute matérielle aussi. Je serais curieuse de savoir comment tu choisis peut-être les différents supports papier, ou il faut dire aussi la photographie parfois se retrouvait au sol même ou intégrée dans des sculptures, donc il y avait vraiment... C'est ça, je suis curieuse de savoir comment tu t'abordes la photographie justement dans ce contexte-là. Bien, en fait... tous ces corpus-là représentent vraiment 2 ans de ma maîtrise de travail, puis c'est étrangement la photographie qui est comme apparue comme dominante, puis une espèce de lien entre les choses. Je m'intéresse à la photographie plus comme une image imprimée, en fait. Le papier, pour moi, est comme une partie super importante de l'image imprimée. Donc, selon le papier, comme, mettons, mon projet trivial où les montagnes sont assez grandes et impressionnantes, le papier... avait déjà une forme, une courbe, un poids. Fait que je me suis juste organisée pour que ce papier-là prenne lui-même sa forme puis l'espace. Donc, je travaille toutes mes images imprimées comme ça, un peu Comme le papier étant une partie importante, ça devient entre un objet puis une image, en fait. D'ailleurs, le projet Trivial, c'est intéressant que tu le soulèves à ce moment-ci, parce que ben, non seulement il est déployé sur le mur, un peu distancié avec des panneaux que tu as placés derrière, mais en plus, tu es venu vraiment gratter les pigments qui ont été placés sur la surface du papier. Tu es venu les gratter presque comme un graffiti pour aller inscrire ce mot-là, Trivial, sur cette paroi rocheuse, comme en allant un peu annuler la noblesse ou l'immensité de ces immenses parois rocheuses ou de ces montagnes-là. Il y a vraiment quelque chose, c'est ça, du graffiti, du fait de vouloir annuler un peu l'élégance ou le côté sublime aussi, oui, que exact. Ces grands paysages de grandes montagnes peuvent nous faire vivre. Là, on est rapporté à la surface du papier, puis à un papier qui est endommagé en quelque sorte. Mm-hmm. Ces photos-là, ma première rencontre avec la réelle montagne, la vraie montagne, tu sais, des 2000 mètres et plus. Puis j'ai comme vécu une espèce de sublime déchu en réalisant que la montagne était quand même plutôt envahie, est de plus en plus accessible. L'accessibilité peut être vraiment positive, mais ça peut aussi rendre la chose... tout dépend du regard de celui qui va la visiter. Donc... quand j'ai inscrit Trivial, pour moi, c'est ça, de faire comme un geste pour faire un genre de sublime déchu un peu de la chose. Mais ça ramenait aussi à la physicalité de la montagne, la matière du papier, puis ça devient un peu une paroi rocheuse avec sa propre matérialité. Oui, avec les marges bleutées aussi que tu laisses. Est-ce que c'est un choix de couleur que tu as fait en rapport avec l'image ou c'est tout simplement... Parce que moi, ça me rappelle un peu le papier photo argentique qui comme bleuté un peu le papier couleur. Il y avait vraiment quelque chose de très photographique, mais en même temps, il y a un rapport aussi avec la palette des photographies. J'avais jamais remarqué que le papier argentique couleur avait une teinte bleutée. C'était vraiment trouver une espèce de couleur un peu neutre qui allait me permettre d'obtenir plus d'espace et d'avoir une plus grande image. Vu que c'est des photos négatives couleur argentique, il y a toujours une limite à l'agrandissement. Déjà, on voit déjà le grain, puis on voit même le grain numérique dessus, le bruit. Fait que ça me permettait d'allonger en fait l'image, de l'agrandir en hauteur, puis plus d'ampleur. Oui, un peu plus. C'est intéressant parce que dans l'ensemble, dans le corpus que tu présentes, ben d'une part, il y a le corpus ou la série d'images triviales qui traduit ce sublime-là un peu déchu, mais d'autre part, il y a d'autres témoins d'un rapport beaucoup plus intimiste, beaucoup plus précieux à la nature. Mm-hmm. Puis à cet égard-là, moi, j'avais trouvé que le petit lichen que tu as fait en céramique, je l'ai trouvé vraiment très, très touchant. Puis on le retrouve à au moins deux endroits dans l'exposition. D'un côté de la salle, il est présenté tout petit, accroché au mur, déposé presque sur des petits crochets au mur, tout fragile. Mm-hmm. Puis de l'autre côté de la salle, on le retrouve numérisé, agrandi, avec la lumière du scanner. Oui, c'est ça, avec ce fini-là qui est tellement typique au dispositif du numériseur, qui nous donne une proximité, un rendu tellement précis de la matière. Puis je trouvais que ça nous donnait deux rapports complètement différents, cet objet-là, puis comme magnifié, justement, d'un côté et fragile de l'autre. Mm-hmm. En fait, je me suis aussi intéressée comme... j'ai toujours des collections de roches, de plantes, de lichens qui vivent avec moi à l'atelier ou que je ramène toujours en voyage. Fait que dans l'expo, on voit des objets de collection. En fait, il y en a seulement un, là. Il y a une seule véritable roche avec des lichens scannés. Le reste, c'est vraiment des objets que j'ai fabriqués moi-même qui ont été scannés. Puis je m'intéressais à cette idée-là de est-ce que je peux moi-même créer un objet qui serait presque aussi proche de la nature que la réelle collection d'un vrai organisme, là. C'est intéressant parce que en 2017, tu avais présenté un projet aussi à vue dans l'exposition Entre traces et aura qui traduisait l'idée du déplacement aussi en nature, de se déplacer à travers le territoire. Puis et j'ai l'impression que dans l'exposition qui là clôt ta maîtrise, le territoire ou l'occupation du territoire est là, mais d'une manière complètement différente par justement ton occupation du sol, par les dessins qui sont placés là, ou par l'ensemble justement où il y a un dialogue entre peinture et photographie qui lui aussi est présenté au sol. Je ne sais pas si comment toi t'envisages peut-être la différence ou la continuité entre ces deux propositions-là qui ont été toutes deux présentées à vue, mais dans deux galeries différentes quand même. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, je me suis plus intéressée à créer une espèce de structure horizontale, un truc où il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les choses. Puis effectivement, une grosse partie de l'exposition est au sol. Même les photos triviales sont à moitié au sol, à moitié au mur. Mm. Donc c'est ça, je me suis intéressée à moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a vraiment une espèce d'expérience corporelle par rapport à cette mise en espace-là. Absolument. Qui nous rappelle une expérience de la nature. On se penche vers le sol, on voit les roches, on lève les yeux vers le paysage. Donc, il y a comme une espèce d'écho qui se fait dans cette très belle expérience que tu nous fais vivre dans cette exposition, Bouzou, présentée à vue jusqu'à vendredi. Oui, vendredi, toute le reste de la semaine de midi à 5h. Parfait. Ben, merci beaucoup, Audrey. Merci Audrey. Merci Delphine Gasban. Merci à toi. Et nous, on va partir pour une petite pause audio. Et au retour, c'est Olivier Hébert qui vient nous parler de sa nouvelle exposition. Alors, c'était un extrait de Landscapes of Mésopotamia. Pardon. Olivier Hébert, bonsoir. Salut. Donc, tu présentes l'exposition Long Time. Oui. À partir de vendredi, on a reçu la semaine dernière Héloïse Foulon. Donc, vous êtes partagé la location de cet espace qui était loué par la Galerie A, je crois. Puis je pense que sa programmation commençait plus tard. Puis là, elle a partagé. Puis nous, moi et Héloïse, on s'est regardé. Puis on s'est dit, ben, une opportunité, on la laisse pas passer. Puis oui, de faire sortir un peu le travail du roulement B. Le roulement B, c'est le nom des ateliers des étudiants à la maîtrise. Et je débuterai peut-être avec une interrogation à propos de ton titre, Long Time. Long Time, ça fait référence à deux choses. Sur le carton, j'ai comme écrit un poème qui, à la fin, se termine avec la phrase « Je ne suis pas senti comme ça depuis un long moment ». Puis on dirait que c'était comme... Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose que j'ai réalisé à la maîtrise où, pour moi, l'attitude c'est vraiment important avec quelle attitude je travaille, puis de pas de me regarder à l'atelier, mais avec quelle attitude je me lance comme dans le travail. Puis on dirait que il y avait comme quelque chose de très positif les derniers mois, puis on dirait que c'est... Ça faisait comme longtemps que je m'étais pas senti que j'avais autant le goût d'être à l'atelier, puis on dirait que ça c'était quelque chose, à la limite, qui me faisait du bien, tu sais, puis que j'étais content de travailler, puis dans le fond, l'autre référence, ça vient, ben dans le fond, c'est le titre d'une chanson d'un rappeur américain qui s'appelle le Playboi Carti, mm-hmm. Puis dans le fond, c'est un peu ça qu'il exprime, lui, dans sa chanson, donc ça fait aussi rapport à ça, puis l'autre chose aussi, je pense que ça fait aussi rapport au temps de la peinture, qui est différent du temps, du quotidien, de notre vie. Puis j'ai l'impression que là-dessus, mon travail est un peu parallèle un peu à la vie. Tu sais, il provient de la vie. Il y a des choses comme des choix que je fais, des références justement qui s'immiscent mm-hmm. un peu dans le travail ou qui sont comme un peu au fond de ma tête avec lequel je travaille à l'atelier. Mais on dirait que ça fait un peu référence à ce temps-là, de le temps justement du déploiement, le temps de la peinture, le temps de s'immerger dans le travail. Mm-hmm. Puis on dirait que puis moi, j'ai réalisé aussi que le temps avec lequel je travaille, quand même, c'est un temps long. Oui. Puis c'est un temps qui est également perceptible quand nous, on voit les œuvres. Ah, ben, tant mieux. Oui, mais moi, je faisais un lien avec les œuvres que tu présentes. Ce sont de petits tableaux. Oui, exact. Oui. Par le passé, on voyait beaucoup ton travail comme une accumulation de couches de peinture, mm-hmm. D'effacement, d'ajout de couches. Et puis là, c'est directement avec le canevas, la toile en tant que telle, que tu joues ce jeu d'accumulation. Oui, et puis, oui. Moi, c'est là que je le voyais, le long time. Donc, cette accumulation de couches de temps. Peut-être. Mais aussi, en même temps, j'ai l'impression aussi de... Parce qu'on dirait que je vois aussi beaucoup mon travail comme cette tâche-là que je me suis confiée de faire de la peinture. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça le sujet, sauf que j'ai l'impression que c'est un peu hors du temps, la peinture. Puis je sais pas si... Je pense pas que c'est aussi facile à dire que c'est des souvenirs ou que c'est... Mais c'est comme... Peut-être que c'est une accumulation. Non, mais on dirait que j'essayais de chercher puis de voir un peu comment je me situais, mais... Oui, il y a quelque chose de ça, puis ouais. Avec toute la réflexion aussi que tu apportes dans ton travail autour de la disparition, l'apparition, l'effacement. Ouais. Donc, et puis là, ben, c'est l'accumulation, mais en même temps, il y a ces morceaux de toile qui s'accumulent un par-dessus l'autre, donc qui occultent aussi... Ceux qui sont derrière. Exact. Donc, il y a comme une façon de d'affirmer la matérialité du médium toile, ouais. Mais aussi de le déconstruire parce qu'il s'effiloche. Oui, exact. Oui, vraiment. Puis je pense qu'un peu, c'est comme une manière pour moi aussi de travailler. C'est comme si je rendais la chose toujours plus concrète, on dirait. C'est comme des interventions qui rendent, mm-hmm. par exemple, les agrafes qui sont... Oui. Vraiment, c'est taqué directement sur le panneau de bois. Puis c'est comme une... Je pense que c'est comme tous des gestes qui affirment un peu la matérialité de la peinture, finalement. Parce que je trouve ça drôle, des fois, les gens me demandent quel type de peinture... Ça, mettons, ils n'ont pas vu mon travail, ils me demandent quel type de peinture que je fais. Puis on dirait que, pour moi, le mot qui vient le plus facilement, c'est vraiment quelque chose de concret. Oui. C'est vraiment la chose qui me vient plus facilement. Puis pour moi, même si pour beaucoup de personnes, des fois, ça fait... C'est pas tout à fait clair, ces choses-là, mais pour moi, c'est vraiment clair. Ben, c'est la toile, elle n'est pas apprêtée, c'est les agrafes, c'est le tissu, la toile qui s'effiloche, c'est la marque, la trace des pieds, parce que je travaille souvent au sol, mm-hmm. puis je fais comme une espèce d'aller-retour au sol puis au mur, fait que c'est comme un peu cette espèce d'accumulation-là de gestes, d'accidents, de choses qui se passent. Fait que je pense que ça affirme la matérialité. Oui, la matérialité, donc le tableau devient un objet et dans ce cas-ci, des très petits objets. Il y a une uniformité dans le format que tu présentes qui c'est 10 par 8, donc c'est très très petit mais avec cette épaisseur-là, ça devient vraiment une espèce d'objet, mais il y a quelque chose de plus intime aussi dans le rapport à l'œuvre. Nous, on s'approche de l'œuvre, on porte plus attention aux textures, aux subtilités. Oui, je pense que oui aussi, puis peut-être aussi que j'ai l'impression que si, puis on en avait parlé ensemble, comme ça s'était densifié aussi, Puis aussi le fait que le tour des peintures est travaillé, tout ça, je pense que ça va aussi dans ce sens-là. C'est vrai que c'est un rapport plus proche du corps, peut-être, que... Parce que même si j'ai pas travaillé dans le passé des très grands formats, mais souvent, les plus grands que je faisais, c'était plus un rapport au corps, mais plus de taille égale à égale, disons. Oui. Tandis que là, c'est vrai qu'ils ont vraiment un rapport d'objets qu'on peut quasiment prendre dans nos mains. Puis, quelque chose de plus intime. Puis quand je suis allée visiter ton exposition tout à l'heure, tu parlais aussi d'introspection. Oui. Donc, c'est comme si tu invitais les spectateurs, les spectatrices à vivre un peu cette introspection-là. Ben, je pense que oui. Parce que des fois, j'ai l'impression que si des fois... Puis aussi, je pense mon travail, des fois, comme une fiction aussi. J'ai l'impression, puis je pense que des fois, c'est comme une introspection dans ces histoires-là que je me raconte, dans ces gestes-là que je pose, dans ces événements-là qui... Des fois, de gestes aussi qui sont le résultat d'un premier geste, puis que je réagis face à ce premier geste-là en faisant d'autres interventions ou en effaçant ou en annulant un peu. Je ne sais pas si je peux dire annuler. Ben, en tout cas... Ouais, tenter oui, d'annuler, peut-être. Oui, tenter d'effacer. Ouais. Mais en même temps, ils ne sont jamais vraiment effacés. Puis un peu comme aussi les toiles qui s'accumulent, on le sait qu'ils sont là. Il y a comme un... c'est pas caché, cette... bien, en tout cas. Oui, le temps long. Oui, exact. Donc, oui, c'est ça, tous les gestes qui s'accumulent, ouais. toutes ces couches de toile, toutes ces couches de peinture aussi qui s'accumulent dans ces petits objets. Donc, il y a comme une densité de temps, si on veut. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Oui, je suis très d'accord avec toi. Donc, une très, très belle exposition. Le vernissage, c'est vendredi. Oui. Et c'est au 17 rue de la Barricade. Exact. Au 306A. Je ne me trompe pas. B. Ah, zut. 306 j'allais dire, je ne me tromperai pas cette fois-ci parce que je me suis trompée la semaine dernière. Donc, 306B. Donc, un très bel espace là, de la Galleria qui vous loue cet espace. Je suis ouvert aussi en fin de semaine. Donc, s'il y a des gens qui ne peuvent pas venir au vernissage, midi à 5h, samedi et dimanche. Et sinon, c'est sur rendez-vous. Donc, on va voir l'événement Facebook. Et nous, on se quitte pour la pause publicitaire. Et au retour, on parle Moi Multi. Merci. CKRL. Communication, culture. Eh bien, je ne dois plus vous en faire un mystère. Oh, chère femme, si nous voulons forcer les hommes à faire la paix, il faut nous abstenir. De quoi ? Dis ! Le ferez-vous ? Nous le ferons, dussions-nous mourir. Il faut donc nous abstenir des hommes. Lysistrata, d'après Aristophane, adapté très librement par Jean-Sébastien Ouellette et Isabelle Hubert. Du 9 au 15 décembre, au Théâtre du Conservatoire. Réservation au 418-643-9833. Le dimanche 16 décembre à la Corrigane, la Ligue d'improvisation, la GIF, organise son Royal Rumble annuel. On rebrasse les équipes pour vous offrir 4 nouvelles formations qui s'élimineront à coups de répliques bien placées et d'histoires étonnantes. Une seule équipe sera couronnée au terme de cette soirée à ne pas manquer. Entrée gratuite, contribution volontaire appréciée. La GIF, de l'impro bonne pour la santé. Tous les dimanches 20h à la Corrigane. L'opération Panier de Noël du Pignon Bleu bat son plein avec le partenariat de Métro Ferland. Cette initiative de chez nous vise à récolter cadeaux et denrées pour 140 familles dans le besoin de la région. Le Pignon Bleu invite toute la population à faire un geste d'entraide en déposant jouets, vêtements, denrées non périssables ou dons en argent directement au 271 Saint-Vallier-Ouest. Les contributions peuvent également être faites en ligne à pignonbleu.org. Nous tenons à remercier tous nos donateurs et partenaires qui rendent possible cette belle chaîne de solidarité. L'équipe du Pignon Bleu vous souhaite de très joyeuses fêtes. Ici mon oncle Serge pour vous dire qu'encore cette année, je vais être fidèle à mon habitude de présenter des shows dans le temps des fêtes. Je vais même être à Québec deux fois cette année. Ça va être au bar Lanty, mercredi le 26 et samedi le 29 décembre. Je vais être en formule trio rock comme Rush, mais ayez pas peur, il n'y aura pas de solo de drum. Fait que c'est ça, mon oncle Serge à Lanty les 26 et 29 décembre. Billets chez Exo, lepointdevente.com. Tous les détails sur Internet. Rock on! La science vous inspire, vous intrigue, vous émerveille? Alors Futur Simple est naturellement vôtre. La science vous rebute? Futur Simple est aussi pour vous. Parce qu'à Futur Simple, on ne dévoile pas seulement les découvertes médicales, les préoccupations environnementales et les nouvelles cosmiques. On cultive aussi l'insolite, le surprenant, avec passion et humour. Futur Simple, le jeudi, 17h30. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, maison de la famille Louis Hébert, Harmonie Montmorency, carrefour d'éducation à la solidarité internationale. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Alors, de retour à l'aérospatiale, on va passer la deuxième moitié de l'émission à parler de Moi Multi avec Émile Beauchemin, bonsoir. Bonsoir. Et Jeanne Couture, bonsoir. Allô, Jean-Tiens. Donc, vous êtes deux de ce commissariat tricéphale de cette série de trois Moi Multi, je pense, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Et cette année, c'est le 20e anniversaire qui s'en vient. Oui, on fête cette année beaucoup de nouveautés pour les 20 ans. Et est-ce qu'il y a quelques nouveautés que vous pouvez dès aujourd'hui annoncer? Ben, on a des nouvelles tuques. Oui, il y a des nouvelles tuques à chaque année, non? Ben oui, comme un nouveau modèle, mais là, c'est vraiment autre chose. Oui, on est dans le fluo. On est dans le fluo, on est dans le Moi Multi, nouveau visuel aussi. C'est criard, c'est Moi Multi. C'est très criard. Donc, producteur de tuques et diffuseur multidisciplinaire, le Moi Multi, chaque année. Oui, à chaque année, c'est un rendez-vous pour la tuque et les expériences immersives, les expériences multidisciplinaires, les expériences polysensorielles. Et Émile Beauchemin, j'en parlais un peu avec toi là, pendant qu'on était en pause publicitaire. C'est intéressant parce que souvent, le Moi Multi est très, très lié aux arts visuels. Puis toi, t'es quelqu'un de complètement extérieur aux arts visuels. Oui, ben en fait... Même si ça t'intéresse. Ça m'intéresse bien, évidemment. Puis que tu y touches de différentes manières. Mais est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de l'aérospatiale qui sont pas nécessairement familiers avec toi? Oui, ça me ferait plaisir. Ben en fait, cette année, on a chacun comme un volet. On est trois commissaires. Il y a Laurence Pélafaire qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc, on a chacun notre volet. Moi, je fais les spectacles et les performances, en fait. Et je viens initialement du milieu plus théâtral. Mon background est en mise en scène et je me suis intéressé à travers mon travail de mise en scène à l'intégration des technologies biométriques, des nouvelles technologies, l'intégration de la vidéo et au théâtre de l'image, beaucoup. Donc, j'ai travaillé là-dedans et j'organise également d'autres activités qui sont multidisciplinaires comme Joker Joker. Donc, tout ça m'amène un peu à converger vers le Moi Multi qui est comme le festival, je dis, qui m'a vu grandir. En fait, c'est là que j'ai fait mon école. J'ai appris à devenir spectateur au Moi Multi. Et toi, Jeanne, on te connaît dans le milieu des arts visuels et tu t'occupes du volet plus installation. Oui, absolument. Donc, je reste dans mes pantoufles. Donc, on est chacun dans nos pantoufles. En fait, c'est ça qui est intéressant. Ouais, ben, c'est inconfortable. Oui, puis non, parce que justement, Jean-Tiens, on me connaît peut-être plus pour des expositions dans le milieu des métiers d'art, des arts visuels, mais peut-être moins dans le milieu des arts numériques multidisciplinaires. Faut dire que le Moi Multi, il y a eu une historique vraiment importante d'art numérique très de pointe, je dirais, dans les années passées, plutôt avec Viviane Paradis, une ancienne commissaire, il y a quelques années, Émile Morin aussi, le fondateur. Ariane Plante, la dernière commissaire, s'était appropriée d'autres types de langages qui sont peut-être un peu plus proches de ce que moi aussi je propose au niveau de ce mois multici, donc des expériences qui sont... qui utilisent la technologie, mais qui ne sont pas nécessairement une démonstration technologique, en fait, c'est qu'ils sont vrais. Et qui ne nous amènent pas nécessairement vers un monde virtuel, peut-être? Non, absolument ouais, pas. Ben, y a certaines œuvres que, oui, on va trouver ça parce qu'il reste que c'est le mois multi, mais il y a beaucoup d'œuvres low-tech, d'œuvres no-tech, des œuvres bricolées, des machines. Ça se retrouve aussi dans les univers de mes collègues. C'est un mois multi qui est vraiment, je dirais, multidisciplinaire. C'est vraiment le cœur de ce projet-là. Et le numérique est là, mais c'est pas le cœur de nos propositions artistiques, je dirais. Absolument. Puis dès le début, on s'était dit, on voulait s'intéresser à d'autres formes qu'on s'attendrait pas qu'ils soient nécessairement considérées multi de prime abord. T'sais. Puis le no-tech, pour moi, c'était vraiment important. T'sais. Étant quelqu'un qui œuvre beaucoup dans le numérique d'habitude, puis je fais comme, ah, peut-être qu'il y a autre chose qui n'implique pas beaucoup de projecteurs, beaucoup de moyens techniques. Donc, on a essayé comme de refléter ça aussi dans nos programmations respectives. Donc, plus proche de l'humain, du vivant, mais oui, aussi du concret, de la fabrication. Oui, très matière, en fait. Ouais. Effectivement, ouais. Oui, on est dans la dématérialisation, effectivement, est pas là tout le temps. Je pense entre autres à Michael Bilinski, ouais, une performance ouais, que tu présentes. Émile, c'est une artiste qui travaille avec très peu de moyens, en fait, avec le corps, avec l'éclairage, la voix. Avec la voix et ouais, la lumière, là, dans ce cas-ci. C'est ça, on n'est pas dans une démonstration techno du tout. Là. Non, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est vraiment une c'est ça, comme je parlais de polysensoriel. Oui, bien, Mikal, vraiment. Mais Mikal ouais, offre une expérience, ben, j'ai vécu... Gloria. Gloria, oui. Ouais. Donc, une expérience polysensorielle. Donc là, elle retire un peu l'image de ce qu'elle propose dans ce spectacle-là. C'est ça, ce qui est intéressant avec Mikal, c'est qu'elle crée toujours des expériences immersives. La dernière était très immersive à travers la vidéo, donc on était comme... Il y avait un écran partout autour de, mm-hmm, de nous quand on le regardait. Cette fois-ci, tout le studio, la salle multi, en fait, est tout occupée par 5 performeuses, incluant Mikal. Et elle nous invite à rentrer là, dans une cathédrale lumineuse, j'aime appeler, là, vraiment. C'est la lumière qui coupe, qui découpe l'espace. Et on s'assoit sur le sol et c'est la performance qui nous entoure, qui nous entrecoupe à travers les spectateurs qui sont placés un peu partout. Donc, l'image vidéo là, est retirée de cette expérience-là, mais c'est non moins immersif. Et on garde la polysensorialité là, dont tu parlais et qui est tellement un langage unique, amical, en fait. Il n'y a personne qui fait quelque chose de même. C'est vraiment un spectacle humain, rituel. Très proche du sacré, ce que propose Mikal, avec des chants qui frôlent le liturgique. Là. Absolument. Mais en fait, elle s'est questionnée à travers ce processus de création-là sur l'histoire des rituels, puis l'histoire un peu de comment qu'on traite la mort, comment qu'on traite la vie, comment qu'on traite ces grandes questions-là. Et ça s'est retrouvé dans une espèce d'évolution vocale qu'elle a transposée sur scène. Donc, ces questions-là sont pas directement abordées, mais on ressent qu'elle s'est posée sur des sujets de fond philosophiquement, mm-hmm, puis qu'elle nous a transmis ça à travers les voix de ces performeuses-là, puis à travers sa musique. Donc, une expérience presque spirituelle. Très spirituelle. Je dirais, vivre avec Mikal Bielinski. Et de ton côté, Jeanne, tu as décidé de choisir des artistes, de les obliger à travailler ensemble. Oui, mon collectif forcé, oui, c'est ça. Mathieu Fecto, Pascal Leblanc-Lavigne et Fred Labrasseur, qui, c'est comme un mariage naturel de personnes qui ont des origines sensiblement différentes. Tout à fait différentes, en fait. C'est ça, on est dans 3 artistes qui, pour moi, étaient évidents qu'un jour, il fallait qu'ils travaillent ensemble. Ils l'ont jamais fait. D'ailleurs, ils se connaissaient de nom, mais ils se connaissaient pas vraiment personnellement. Ils connaissaient pas vraiment leurs pratiques respectives non plus. Je trouvais ça super intéressant parce que moi, comme spectatrice, comme commissaire, je regarde leurs pratiques depuis longtemps, puis ça se parle complètement. C'est hyper relié, mais c'est super drôle de voir que ces artistes-là, vois-tu, ils n'avaient pas fait ce lien-là. Non seulement ils l'avaient pas fait, mais ils se connaissaient pas nécessairement. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire aussi en général en commissariat, de faire des matchs, confronter des pratiques qui soit fonctionnent naturellement ensemble dans le cas de celle-ci ou sont différentes, ont des voix différentes, mais peuvent aller se chapeauter sur un intérêt commun, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse profondément, cette idée-là. Et je me suis fait plaisir, c'est sûr, moi, Multi, pour faire ce match d'artistes de Québec qui sont en résidence depuis septembre déjà. Et c'est une production recto verso. Donc, c'est la première fois, d'ailleurs, j'aime le dire, que une œuvre en art visuel est commandée par recto verso. Puisque recto verso produit le festival, le mois Multi, mais dans le reste de l'année, a des résidences en art vivant, performance, des artistes qui sont aussi issus du milieu de la musique, de la danse. Donc, vraiment, des artistes qui ne sont pas issus du tout des arts visuels. Et ça, c'est des spectacles, en fait, qui tournent suite aux résidences plutôt de recto verso. Et donc là, moi, je trouvais ça hyper important et naturel qu'on ait au moins une commande d'œuvres en art visuel, étant donné qu'on a évidemment le volet installation. Alors, ces artistes-là sont produits par recto verso et en plus ont eu accès à toutes les centres d'artistes de Méduse ou presque, en fait. Oui, parce que ça va être disséminé un peu partout dans la coopérative, là, si j'ai bien compris. Oui, ouais. L'œuvre infiltration, d'ailleurs, c'est même ça. Même dans les espaces de administratifs, les espaces de production, c'est ça? Administratifs, moins, mais dans les loges, entre autres, des salles multi, la salle sur des scènes, les loges en haut qui sont pas accessible évidemment au public. Donc, les artistes, en fait, c'est ça, ils infiltrent tous les espaces de Méduse qu'ils pouvaient infiltrer. Ça va se retrouver principalement dans les cages d'escalier, donc un beau terrain de jeu, les cages d'escalier aussi, dans les grands corridors, dans les loges, et puis ça culmine à l'œil de poisson dans la petite galerie. C'est des œuvres qui sont sous surveillance, des œuvres qui sont filmées avec des petites caméras de surveillance. Donc, chaque intervention et enregistré et filmé en temps réel. Et ces captations-là vont être retransmises à l'œil de poisson sous différentes formes d'écran, une espèce de fouillis d'écran où on va pouvoir observer ces œuvres-là finalement qui évoluent dans l'espace. Et évidemment, les visiteurs vont être invités à découvrir petit à petit les œuvres qui vont commencer à s'installer dès le 24 janvier, donc dès l'ouverture du mois multi, qui est, bon, une ouverture avec tout le volet performance, mais on va intégrer, infiltrer des œuvres d'art aussi en art visuel. C'est ce qu'on souhaite faire de plus en plus, d'ailleurs, dans notre commissariat. Faire cohabiter, en fait, les volets. Oui, ouais. Oui, c'est intéressant parce que souvent, c'est comme... Il y a un temps qui est consacré aux installations, puis il y a un temps qui est consacré au spectacle, puis là, vous travaillez pour que ça s'infiltre un peu plus. On essaie de brouiller tranquillement. On essaie de brouiller les lignes en présentant peut-être des spectacles qui peuvent être... des installations, des spectacles, des performances qui peuvent tomber dans des volets qui peuvent être connexes dans plusieurs volets. Puis je trouve ça intéressant aussi le collectif Forcé à Jeanne. C'était un peu à l'image de notre commissariat qui, initialement, on ne se connaissait pas vraiment. Qui est un commissariat forcé. On est forcé d'être commissaire. Ben oui, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce commissariat forcé-là? Parce qu'on a tous été étonnés à Québec de voir ce trio. Oui, mais nous aussi. Nous aussi, on était étonnés de se rencontrer. Dans le milieu des arts multi, on a, c'est pas vous qui avez proposé ce commissariat ensemble. Non, pas du tout. Ça vous a été proposé par recto verso, par le mois multi, c'est ça? Oui, exactement. Ben, comme on parlait de nouveautés tantôt pour les 20 ans, je pense qu'il y avait envie de diversifier un peu la formule de commissariat. Puis ils ont rassemblé donc trois jeunes voix, il faut le dire, dans une formule qui était un peu, qui était une première pour le festival. Donc on s'est rencontrés là, et on se connaissait très très peu dès le départ. Mais ce que ça a donné, c'est beaucoup de discussions très ouvertes dès le départ. On a appris à se connaître et on a appris à connaître nos programmations puis les artistes qu'on programmait. Donc tout ça, c'est comme un peu mélangé, puis je pense qu'on est dans une belle lancée, en fait, de collaboration et de brouillage de lignes dans les prochaines années. Et vous avez pris à connaître Laurence Lafay. Est-ce que vous pouvez me parler un peu d'elle? Parce que là, elle n'est pas là pour se présenter. Est-ce que vous pouvez me parler d'elle un peu de son rôle? Donc c'est vrai, elle est vraiment un volet jeune public, ce qui est nouveau. Nouveau, aussi. Oui, encore une belle grande nouveauté pour le mois multi. Le volet jeune public qui, en fait, elle le dit elle-même, a dit c'est comme un mariage naturel, le jeune public et le multi. Ça fait longtemps que c'est déjà une histoire d'amour. Oui, là, il était temps qu'ils se marient. Absolument. Je pense que les jeunes sont... Des jeunes enfants, en fait, sont peut-être des fois plus prêts que des adultes à accepter des nouveaux codes, des nouvelles formes. Ils sont ouverts, ils ont les yeux grands ouverts. Donc, Ils sont en apprentissage de la vie. Donc les nouvelles formes ne les effraient pas. Absolument. Oui, puis l'aspect... évidemment, au multi, on a beaucoup d'œuvres interactives. C'est ça aussi... les nouvelles formes de multidisciplinarité. Il y a beaucoup de connexions avec le public, ce qui fait que les enfants trippent, c'est clair. Il y a beaucoup, beaucoup de familles au moins multi. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé. J'ai travaillé en Méduse à l'œil de poisson et comparativement au public, disons, des centres d'artistes, le moins multi réussit vraiment là, à aller chercher des familles et les groupes scolaires. Et les groupes scolaires, c'est ça depuis longtemps. Donc là, la part de Laurence Pélafaye, justement, pour ce qui est de son parcours, elle, c'est une artiste qui vient du milieu des arts vivants, mais qui est vraiment, je dirais, à vraiment cheval entre les arts visuels et les arts vivants parce qu'elle a fondé Les Incomplètes, co-fondé Les Incomplètes, qui est une compagnie en jeune public, en théâtre, jeunesse, mais ils font des expositions aussi dans les centres d'artistes, en fait, Les Incomplètes, dont les berçantes, qui les matinées berçantes qui ont été proposées entre autres à Gatineau, à Axneo 7. Ils ont tourné ce projet-là. Il est en tournée à Montréal en ce moment. Donc, les filles travaillent, oui, disons, avec les Gros Becs, diffuseurs jeunes publics, mais aussi avec les centres d'artistes. Ils proposent ils proposent des œuvres vraiment hybrides. Alors, c'est complètement... Ouais. Écoute, le parcours à Laurence est tout à fait ancré dans le mois multi. Et là, pour le 20e, elle a 4 propositions jeunes publics. Des propositions, en fait, on n'aime pas trop dire ça parce que c'est tout public, finalement. C'est tout. Ben, c'est exactement ça. Il y a même des spectacles qui se retrouvent qu'on propose dans le volet général, en fait. C'est des spectacles qui ne sont pas fermés aux enfants. C'est ça. Ouais. Qui sont d'ailleurs en après-midi. En après-midi, donc sont surtout ouverts aux enfants, mais on encourage tout public de venir les découvrir. Entre autres, elle parle beaucoup de son mariage naturel avec les Gros Becs, qui est comme le diffuseur jeunesse à Québec, puis avec qui elle voulait faire une collaboration pour son premier volet jeune public dans le monde multi. Et puis elle propose justement avec les Gros Becs Milestones de Zonzo Compagnie, qui est un spectacle sur Miles Davis, en fait. Et un peu sur son parcours, donc une figure quand même très controversée pour plusieurs raisons, mais qui a été très actif dans la politique à l'époque et tout. Donc ça, c'est comme un peu évoqué dans ce spectacle-là, mais c'est un spectacle visuellement très, très, très fort, avec un traitement vidéo qu'a dit qu'il fera le psychédélique. Donc, tu sais, on a des éléments de même dans ce show-là que je pense qui vont plaire au public adulte. Tout autant qu'au public. Oui, c'est le temps d'aller au Gros Bec adulte. Oui, si vous n'êtes jamais allé, pas besoin d'emprunter un enfant pour le faire. Et donc, de ce nouveau partenariat-là avec le théâtre jeunesse Les Gros Becs, j'ai envie également de parler du nouveau partenariat avec le théâtre Périscope. Oui, absolument. Donc, il y a comme des nouvelles amitiés qui se forment sous l'égide du Mois Multi avec différents théâtres de la ville de Québec. Est-ce que ça vient de toi, le partenariat avec le théâtre Périscope, Émile? En fait, c'est un spectacle qui était censé avoir lieu pour être tout à fait honnête, l'an dernier. Mais le Périscope, comme on le sait tous, a été un peu... Délocalisé. mais moi, dans le fond, c'est une proposition, en fait, que Ariane, mon ancienne commissaire, avait déjà proposée dans sa programmation l'an dernier, mais il n'a pas pu avoir lieu. Mm-hmm. Mais j'étais très content, en fait, de le présenter parce que le Périscope, c'est là que j'ai fait mes premières armes. Et surtout, Philippe Ducrot, qui est un artiste que j'adore, qui a un côté visuel très fort. C'est un photographe et un metteur en scène. Donc, qui, dans son processus de création, a toujours un côté documentaire où il part dans un endroit du monde, il va photographier pendant plusieurs mois, il revient et il travaille à partir de ces photographies-là pour présenter du théâtre documentaire. Dans ce cas-ci, il est allé dans la République démocratique du Congo, en Afrique de l'Ouest, est allé à plusieurs endroits en Afrique pour pour exposer en fait l'exploitation qu'il y a dans ces pays-là, et il les a raccolés à des monologues. Donc ça donne un parcours déambulatoire théâtral au Périscope, qui est un peu muséal, mais qui a un côté performatif aussi. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je suis très fier de le présenter. Et tu nous donnes hâte d'aller le voir également. Et on a également deux invités de la France qui ont déjà été annoncés lors du pré-dévoilement. On a Julien Mélano qui présente une espèce de spectacle de théâtre d'objets, oui, c'est ça? Oui, ouais, exactement. Oui, ça, écoute, Laurence l'a vu en France récemment, en Belgique plutôt, puis elle a été jetée par terre vraiment par ce spectacle-là. Émile et moi, on est vraiment très hâte d'aller voir ça. J'ai vu les premières images cet automne parce que c'est un spectacle qu'on présente dans parlant de brouillage de ligne, on le présente dans nos deux volets, ERSAT, qui s'appelle, de Julien Mélano. Et c'est, dans le fond, c'est un one-man show, c'est un solo du théâtre de la performance d'objets, et qui, l'artiste incarne un étrange spécimen, mi-homme, mi-machine, dans un futur très, très lointain, qui retrouve des objets de notre société d'aujourd'hui, et qui un peu découvre un peu qui on est aujourd'hui. Donc, c'est comme une façon d'avoir un regard sur notre propre époque en ce moment. Puis les objets, là, c'est très ludique. C'est comme un gros cerveau en laine qui plug dans un ordinateur, qui un peu découvre l'humain actuel. Puis lui, c'est un peu un cyborg. Là. Donc, une c'est une espèce de monde post-apocalyptique. Un peu, là. Oui, absolument. Et bon, on va terminer l'entrevue comme ça, mais il y a Barthélémy Antoine Loff aussi de France qui présente une exposition dans l'espace américain à vue. Oui. Donc, ça, c'est toi, Jeanne, qui propose. Oui, tout à fait. Je propose ce projet-là. Une espèce de fabrication d'aurore boréale. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est l'IOS, l'installation. Donc, c'est un travail autour de la lumière. C'est deux cloches de verre. C'est assez difficile à expliquer, là. Faut vraiment aller le voir, mais c'est ça le mot multi. C'est dur à expliquer, faut aller le voir. Deux cloches de verre sous lesquelles il y a deux prismes de papier photosensible. Derrière ça, on a un projecteur très puissant qui envoie de la lumière sur ces deux prismes-là, qui accumule de la lumière et qui, à un moment donné, en ont assez pour créer un aurore boréale au mur, finalement, donc pour rejeter cette lumière-là. Donc, on est vraiment dans un travail où on a la lumière numérique qui se transforme en lumière analogique, finalement, au fil de l'installation. C'est quelque chose qui est très poétique, évidemment, mais qui demande aussi une écoute, une attente du public. Faut être attentif. Oui, tout à fait, parce que on entend d'ailleurs des petits sons, un peu comme lorsqu'une mouche se cogne sur une ampoule, l'espèce de petit clic-clic. Donc, ça fait cette espèce de bruit-là, et là, on attend quelque chose, parce qu'évidemment, ça crée cette attente. Et après un certain temps, donc l'aurore boréale est créée. On a vraiment donc une œuvre très contemplative et poétique qui va être présentée à vue. Donc qui est plus du côté ravissement de la thématique qu'on n'a même pas pensé. Oui, résistance et ravissement, on va le donc, dire. Donc on va terminer avec la thématique résistance et ravissement. Et ça sera un autre rendez-vous radiophonique avec vous, cher commissaire, pour parler de cette belle programmation du mois multi qui s'en vient et qu'on a toujours hâte de retrouver, même si la température est déjà arrivée, le mois multi n'est pas encore arrivé, pour le mois de février. Et nous, on se laisse pour une petite pause audio et retour, je vous parle de ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine. Alors, on a un agenda de la semaine bien chargé. Demain à 14h30, du côté de Vue, c'est les assesses en résidence qui présentent leur travail dans l'espace européen. Donc, une belle occasion de rencontre. Également, demain soir, l'exposition La chute des corps de Laurence Belzile qui débute à l'atelier du roulement à billes. Le vernissage est à partir de 17h. Allez faire un tour également du côté de l'exposition de Nathalie Thibault. L'artiste va être sur place au 765B de la rue Saint-Joseph entre 16h et 17h30. Également, vendredi, on en parlait tout à l'heure, c'est l'exposition d'Olivier Hébert qui débute au 306B du 17 rue de la Barricade à partir de 17h. Et à Critérium, à partir de 19h, l'exposition Sing Dead Bird de Jérôme Gagné annonce son vernissage sur la rue Dupont. Samedi, ça va être l'ouverture d'une toute nouvelle galerie dans Limoilou, la galerie Lewis, qui va être dédiée au métier d'art contemporain. Donc, ça se passe au 3e avenue, et c'est ce samedi à partir de 17h que va être inaugurée cette nouvelle galerie dans le paysage de Québec. Et toute la fin de semaine, les finissantes du bac en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval vont tenir une friperie toute la fin de semaine dans le hall de Méduse pour financer leur exposition de fin d'études. Et les retardataires amateurs d'art, attelez-vous parce qu'il y a beaucoup d'expositions qui se terminent cette semaine. Bouzou d'Audrey Demers-Reberge à Vue se termine vendredi. Et vous avez jusqu'à dimanche pour aller voir Faire Honneur, présenté par Folliculture à Méduse, l'exposition de BGL à la Galerie 3, l'exposition Trace de Christine Nobel à Michel Guimont, l'exposition Parade et Riposte dont je parlais tout à l'heure de Nathalie Thibault au 765B rue Saint-Joseph, présentée par la Galerie A, la Rencontre internationale d'art performance, donc le 4e volet Asie et Océanie, est présenté jusqu'à dimanche au lieu. Également, du côté de la salle Jean-Paul Lemieux à la bibliothèque Étienne Parent à Beauport, se termine l'exposition de Paul Duval. L'exposition de Bernard Paquette à la Galerie des arts visuels se termine également dimanche. Et du côté de Regard, l'exposition Eldorado de Gillian McDonald et Charlotte Beckett se termine également dimanche. Et dans la vitrine du même centre, l'exposition de Julie Théberge, Est-ce que je me perds ou si je me crée, va aussi se terminer le 16. Et finalement, de l'idée au geste, cet univers à découvrir, commissarié par Nathalie Racicot, se termine également à la maison Amel Bruno. Et c'est maintenant l'émission de l'aérospatiale qui se termine. Je vous invite, comme à chaque semaine, à rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web à l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. J'aimerais faire un grand, grand merci à nos invités Audrey Demers-Reberge, Olivier Hébert, Émile Beauchemin et Jeanne Couture. Merci à Delphine Eggesbar de s'être joint à nous cette semaine. Merci à Jacques Gignat, le pôle clé de la console. Restez à l'écoute parce que de l'autre côté de la pause, on se transporte vers Loretteville pour rejoindre Pierre Blais et son équipe pour sortie culturelle au cinéma Le Clap. La semaine prochaine, on va retrouver une grande partie de l'équipe de collaboratrices de l'aérospatiale pour une revue de l'année des arts visuels à Québec. Bonne semaine à tous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Je suis un disque. Oh là là là. C-K-R-L. Mais c'est magnifique. Je suis une voix. .qc.ca. Ils ont partagé le monde. Plus rien n'est métal. Véritable étendard d'une jeunesse africaine, Tiken Jah Fakoly sera de passage à l'Imperial Bell le 20 juin prochain. Tu te mets l'esclave Tchétchénie. Moi je te laisse l'Arménie. Tiken Jah Fakoly, authentique artiste engagé. Billets en vente dès maintenant au evenco.ca et à la billetterie de l'Impérial. Une présentation de Evenco. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Vicky de la succursale du Vieux-Québec vous suggère Jefferson de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard Jeunesse. Jefferson, jeune hérisson à la vie tranquille, est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Notre improbable héros devra rétablir sa réputation en menant une enquête qui l'entraînera au pays des humains. Un roman chargé d'aventure, un récit aussi intelligent que captivant qui questionne notre relation avec les animaux. Paul Albert de la succursale de Saint-Roch vous propose « Une histoire du monde en 100 objets », un ouvrage collectif piloté par l'historien Neil McGregor. Né d'un défi lancé par la BBC, ce formidable ouvrage illustré, limpide autant qu'érudit, rassemble 100 témoins matériels de la diversité de l'humanité. Ouvrir ce livre, c'est ouvrir une porte sur l'histoire comme on ne vous l'a sans doute jamais raconté. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Voilà des mois déjà que la pénurie dure et il est de plus en plus question de véritables crises. Chaque jour, les habitants parcourent la ville entière à la recherche d'un peu de riz, comme Maria, mère de 3 enfants, qui n'a d'ailleurs rien mangé depuis 2 jours. Ceci n'est pas un reportage sur la crise au Venezuela. C'est la réalité des comptoirs d'aide alimentaire du Québec. Chaque année, la moitié d'entre eux manque de denrées. Jusqu'au 24 décembre, donnez à la Guignolée des médias sur guignolée.ca ou chez Provigo, Maxi, Jean Coutu et Via Capital. La boîte à pain présente le pain du mois. La brioche feuilletée. Imagine une pâte feuilletée pure beurre avec une texture alvéolée. Des arômes de fleurs et de miel. C'est comme si tu croquais dans une ruche d'abeilles, mais sans que ça te pique la bouche. La brioche feuilletée à 25 % de rabais, seulement 3,70 $. Quand t'as des croûtes à manger, il faut que ça goûte bon. Boiteapain.com. Sortie culturelle. Sortie culturelle vous est présentée en direct du cinéma Le Clap Loretteville à l'occasion de